qui danse Manu petit à nu. Qui danse. Rappelle-toi l'odeur de l'essence. Rappelle-toi Manu l'odeur de maman. Celle que t'as mise à nu au firmament, Manu. Rappelle-toi le temps où tu étais. Ça va danser. Sans dents. T'as pas de descendant, Manu. Tu pourris tout, tu mérites qu'on te casse les dents, Manu. Sans dents. Un bandit. Tu mérites, Manu. À la langue bien pendue. Militari Manu, Manu sans dents, bon condescendant, Manu sans dents, sans descendant, Manu, t'as tout pourri, mamie. À la bien bien pendue, moi non. T'es condamné. Ou maintenant, dans un maintenant t'as mis Manu, mamie. Manon, t'as mis Manu. Ouais. Condamné. Manon, t'as mis Manu. Dami, Manu, Manu, Dami, Mami, Mami, Mati, Dami, ma putatu, Dami, ma esati, Dami, Zatu, Dami, Mani, trop de choqués, les cigarettes se portent trop débordées, torpé, Mani, Mani, Mani, bousculé, Dami, Mani. Manu, la police, t'as mis Manu, t'as mis Manu, le triomphe, le symbole renversé. Des actes forts pour des citoyens en rage. Deux doigts de prendre la place. Dami Manu, Dami Mami Ani. À deux doigts de prendre la place. Dami Mami, Dami Manu, Dami Mami, Dami Mami. Évacuation. Dami Manu, urgence. Dami Manu, Dami Mami Ani. Allez, évacue. Donnez loi. Ah, j'ai raté la fin. Ah, j'ai raté la fin. Stand up for your rights. Stand up for you. Ouais. On aurait pu s'arrêter là-dessus. Schlank. C'était cool. C'était cool encore, hein. Moi, j'ai bien aimé encore une fois. Moi, j'ai bien aimé. Ah oui, tu as tellement raison que c'est bien. Moi, j'ai raté la fin, par contre. Mais ouais. Mais oui, ouais. Ouais, on est décalé. Ouais, il faut juste que j'améliore ma connexion. Mais c'était bien quand même. Ouais, moi aussi, grave. Ouais. Et oui. Ouais, mais grave. Mais alors ça, j'aimerais vraiment savoir. Ah ouais, ah ouais. Tu finis par améliorer ta connexion. Mais bon, là. Mais on est décalé de pas mal, hein. D'une boucle au moins. Hyper riche comme atmosphère. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'adore. 1. Non, c'est sur le lit. 1. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yes, 1, 2, 3, 4, 5, six, two, one, two, three, four, five, six, seven. Bonne synchro. Sounds exploring the wood, exploring politique devant le public successive, les maîtresses pleurent. Shannon, moi j'ai rencontré Edwin Pinard, politique Erwan Pinard. Insertion. C'est un enseignant de la fonction publique. Il a un répertoire sympa et une présence. Il a aussi un spectacle vraiment très drôle. Allez. New Public Management. Notamment quand il nous parle de... Ouais, intéressant. Des appréciations qu'on donne aux enfants. Un peu quand même, moi j'ai vu ça maintenant. J'ai vu ça un peu près quand j'étais enfant. Quand j'étais délégué. Shannon peut faire des efforts. Elle est à l'aise, pourtant elle doit ne pas se déconcentrer. Jean-Charles, c'est mon cousin. Je te le dis, puisqu'on en parle. Jean-Charles, c'est mon cousin. Son père est général des étoiles. Jean-Charles. Ouais, moi aussi, j'en ai un. Il nous a en charge, Jean-Charles. Il gère le troupeau. Moi j'ai un Pierre-Henri qui rentre. Jean-Charles, Pierre-Henri, PH, et je sais, il gère le troupeau. Prenant l'avion pour grand dans la banque, déjà il gagne. Moi, deux fois plus, que des vêtements et des deux fois plus que moi, 23 ans, vert, le trading responsable, le trading, un bel avenir. Radieux, radieux. Vacances à Saint-Tropez. Obligatoire. Passage obligé par l'hôpital psychiatrique aussi. Jean-Charles, t'es pris en charge, Jean-Charles. Jean-Charles, je vide. Jean-Charles et j'en chie. Et Jean-Charles et j'en chie. Et j'en chie. Pierre-Henri, je suis à ta charge. J'en ris et j'en charge. J'en prie, j'en charge. Je suis à ta charge, Pierre-Henri. Pierre-Henri, à ta charge. Et loi aussi. Et j'en ris. Pendant ce temps-là, Kimberly passe à la carte. Shannon, qu'est-ce que t'es con. Passe à la caisse sur le Warfley. Passe à la cave, passe. Passe à la caisse pour le quatrième. Jean-Charles, qu'est-ce que t'es. Qu'est-ce que t'es. Qu'est-ce que t'es. Be yourself. Be yourself. Comme tout le monde. Be yourself. Be yourself. Devant l'évidence de la catastrophe, devant l'évidence, ouais, c'est la catastrophe. Ceux qui dénoncent, ceux qui s'indignent. Trop cool, non? Ça t'envoie dans une autre dimension. C'est pas trop cool? D'accord, les gens, ils s'en vont. C'est parce qu'ils sont pas prêts. Ils savent pas quoi faire. Alors que moi, je te dis, tu fais C dièse. Ah ouais, mais si, mais moi, je... Do dièse avec une basse, la boum. Moi, je, ouais, le, tu ça. Me le demandes, je te le dis. Ben, moi aussi. Ah, tu veux que je te fasse écouter? On fait un truc avec noir. Ce coup-ci, on fait un truc avec noir. Ah ouais. Trois. Tu veux? Ah merde, j'ai complètement raté. Je brancherais bien mon clavier, moi aussi. Hein. Troisième fois que je rate mon départ, c'est chiant. Normalement, c'est bon. Non plus, c'était pas du tout le son que je voulais avoir. De mauvais augure. s'il te plaît, c'est Dodi à jeudi. On se refait. I love what you're doing.